السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Donc la dernière fois on avait fini avec deux hadiths كفي عادتنا. حديث في الاستعفاف والتصبر، le fait de faire preuve de retenue, de patience et de se passer des gens autant que possible, et que le meilleur don qu'on puisse recevoir c'est celui du sobre, celui par lequel on peut affronter les situations biznillah ta'ala éprouvantes. Sans sobre on n'arrive à rien. Fasbiru fa inna Allah ma sabirin, patientez car Allah est avec les patients et les endurants. Donc c'est les causes qui permettent la compagnie d'Allah Azza wa Jal, c'est la patience. Wa kazalik al hadith, le 34e hadith qui démontra que faire une sadaqa, faire de l'aumône, ne réduit en rien des biens des personnes. Contrairement à ce qu'on peut s'imaginer parfois, par Shaitan qui vient nous faire croire qu'en donnant on ne va plus rien avoir. Voire même, comme a dit le hadith, en ahab al-sadaqa, hina yakun al-rajul muhtajan. L'une des meilleures sadaqas, c'est lorsque la personne, justement, elle encore, elle-même dans le besoin, elle donne malgré tout. Sa sadaqa a encore plus de valeur. Et apprendre à pardonner. Et que pardonner n'est pas un rabaissement, mais au contraire. Et être modeste également. Être modeste, c'est une chose qui permet que Allah nous élève. اليوم سنأخذ حديثين جديدين بإذن الله تعالى. وبأخذ دو نوفو حديث. أولا الحديث 35 حديث. يقول المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم مضاعف أو يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به وأجزي به يدعو شهوته وطعامه من أجله لصائمي فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصوم جنة، وإذا كان يوم الصوم أحدكم فليرفث ولا يسخب، فإن صبه أحد أو قاتله فليقول إني مرؤون الصائم متفق عليه. Un hadith qui encourage à jeûner, dans lequel le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a dit que toutes les œuvres du fils de Adam se multiplient, que la bonne action en vaut 10, et ainsi de suite, jusqu'à valoir, jusqu'à être décuplé à 700, c'est-à-dire de valeur. Une bonne action peut être décuplée par 10 ou par 700, voire plus. Et Allah a dit, hormis le siyam, le jeûne, car il dit, hadith Qudsi, car le jeûne est pour moi, et c'est moi qui le rétribuerai, c'est-à-dire en récompense. Pourquoi? Car le serviteur délaisse ses plaisirs, ses envies et sa nourriture pour moi. Et que le jeûneur rencontrera deux moments de joie. Lorsqu'il rompra son jeûne, et lorsqu'il rencontrera son Seigneur. Et que la laine de la bouche du jeûne, du jeûneur, est meilleur et plus aimé auprès d'Allah Azzawajal que l'odeur du misc, et que le jeûne est une protection. Si l'entre vous jeûne et que quelqu'un viendrait à l'insulter ou à l'offenser ou à l'attaquer, alors qu'il dise « Je suis jeûneur ». Qu'il dise « Je suis jeûneur ». Non. Donc on va prendre quelques passages de ce hadith, l'explication. « Yaqul ma a'zama adal hadith » فإنه ذكر الأعمال عموما ثم الصيام خصوصا وذكر فضله وخواسه وثوابه العاجل والآجل بيان حكمته والمقصود منه وما ينبغي فيه من الآداب الفاضلة كلها احتوى عليها هذا الحديث. Donc ce hadith est un hadith qui est grandiose, qui est sublime. Il y cite la récompense générale des œuvres de façon globale et celle du siyam en particulier. D'accord ? Il cita les vertus du siyam en particulier. Ces récompenses que l'on peut tirer hâtivement et celles que l'on obtiendra par la suite tardivement, c'est-à-dire après la mort, par exemple, ou même dans la vie plus tard. et on en tire les sagesses et l'objectif de ce siyam. Tout comme il nous évoque les comportements à avoir en jeûnant. Tout cela est réuni dans ce hadith. Et ce hadith nous démontre en premier lieu que les actions, leur récompense peut être décuplée. Taïeb. وهذا يدل على سعة فضل الله تعالى وإحسانه على عباده المؤمنين. Cela qui montre la largesse et la bienfaisance d'Allah عز وجل envers ses serviteurs. إذ جعل جنايتهم مخالفتهم الواحدة بجزاء واحد ومغفرة الله تعالى فوق ذلك. Car Allah عز وجل, comment il a établi les choses, qu'une seule mauvaise action, un péché, ne sera rétribué qu'en conséquence. Une mauvaise action. Quand un péché vaut une mauvaise action. Une seiyya, comme on dit. Après les seiyya, tu en as qui sont plus grandes que l'autre, certes. Mais tu n'en auras qu'une. Pour chaque acte de mal que tu auras commis, tu auras une seiyya. وَمَا الْحَسَنَا فَأَقَلْ أَتَضْعِيفْ أَنَا الْوَاحِدَ بِعَشَرْ وَقَدْ تَزِيدْ ذَلِكَ بِيَزْبَبْ. Alors que la bonne action, elle est décuplée par 10. Et voire plus encore. La mauvaise action, tu n'en seras rétribué que d'une mauvaise action, une CIA, alors que la bonne action, elle, la récompense sera multipliée par 10, voire plus encore, et cela par des causes. Minha kuwat iman al-amil. En premier lieu, par la force de la foi de celui qui accomplit cet acte. Plus sa foi sera forte, et plus sa récompense sera décuplée. Taïeb. Donc les gens diffèrent dans la foi, comme vous le savez. Des gens qui ont une foi qui est faible, d'autres qui ont une foi qui est moyenne, d'autres qui est forte, d'autres qui est très forte, ainsi de suite. Et plus cette foi sera forte, et plus la récompense de l'acte, lui aussi sera élevé. On sera élevé. وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ لِلْعَمَلِ مَوْقِعٌ كَبِيرٌ. Également que l'acte soit un acte de, également en lui-même soit un acte de valeur. Plus cet acte aura de la valeur, et plus sa récompense sera élevée. كَالْنَفَقَ فِي الْجِهَادِ مثلاً, comme le fait de dépenser pour le djihad. Le djihad shari, le vrai djihad. Ou l'ilm, le fait de dépenser pour le savoir. Et ou tout acte qui amène à un effort considérable sur soi-même. L'auteur cite à l'exemple des trois qui étaient dans la caverne, dans le hadith d'Ibn Omar, qui ont été enfermés dans une caverne et qui a été bouchée, cette caverne était bouchée par un rocher et qui se sont dit qu'on ne sortira pas de cette caverne si ce n'est en citant nos bonnes actions pour Allah Azza wa Jalla qu'on a fait sincèrement. Donc l'un d'entre eux, le premier, il a dit quoi? Il a cité qu'il a fait passer ses parents avant sa femme et ses enfants. Et qu'il a passé la nuit debout à veiller, attendant qu'ils se réveillent pour les nourrir, ses parents. Donc ce fut un acte qui demande un grand effort sur soi-même. Et il a fait passer ses parents sur ses propres enfants qui pleuraient. L'autre, le deuxième, était sur le point d'avoir des rapports avec la femme qu'il aimait le plus au monde. Même la personne qu'il aimait le plus au monde, sa cousine. Après qu'elle se soit laissée faire en échange d'argent. Et au moment qu'il était sur le point d'accomplir l'acte, elle lui a fait le rappel. Ittaqillah, wala tafud al-haatam ila bihaqqi. Elle a dit, et ne me fleure pas si ce n'est de plein droit. C'est-à-dire, hors moi, qu'avec le mariage. Et là, on n'est pas mariés, toi et moi. Ce qu'on va faire, c'est très grave. Sans qu'elle ne se débatte ou qu'elle le repousse. Elle a fait le rappel. Et à ce moment-là, il s'est retiré d'elle. Au moment de commettre l'acte, il s'est retiré d'elle. Et non seulement il s'est retiré d'elle, mais en plus, il lui a laissé l'argent qu'il lui a donné. Il aurait pu dire, rends-moi l'argent, je t'ai passé alors. Non, il lui a laissé l'argent quand même. Et le troisième, c'est un homme qui avait embauché des gens pour travailler pour lui. Et que parmi ses employés, un était parti avant d'être payé. Et la paye de cet homme, il l'a investi au point que ses biens se sont multipliés. Et un jour, cet employé est revenu, réclamé son dû. Et il lui a dit, Kulu matara minel. Raqiq, ou le bakar, ou le ranam, ou le zalika, ou alak. Tout ce que tu vois là, comme bien, c'est à toi en fait. Car ce sont des choses que j'ai gagnées par ton salaire que j'ai investi. À tel point que l'employé le dit, mais tu te moques de moi? Il a dit non, je ne moque pas de toi. Tout ce qui est là, c'est à toi. Prends-le. Alors qu'à ce moment-là, l'employé aurait pu dire, tiens ta paye, et le reste de l'argent, le garde pour lui. Non, il lui a tout donné. Voyez? Donc ça veut dire qu'il a fait passer ses envies et autres pour rendre un droit à un serviteur en décuplé. Donc de là, il est évident que son acte lui-même aura une grande valeur auprès d'Allah Azzawajal. Et ces trois personnes-là, cela leur a valu qu'ils soient sauvés, secourus de la caverne dans laquelle ils étaient enfermés. Non. وكذلك كما يعلم أن الأجر على قدر المشقة. Et on sait que la récompense d'une action est en mesure de l'éreinte rencontrée. Plus une action sera difficile et dure à surmonter, et plus la récompense sera grande. D'accord ? Plus la récompense sera grande. نعم. يقول واستثنى في هذا الحديث الصيام وضافه إليه وإنه الذي يجزي به بمحض فضله وكرمه. Et Allah عز وجل a fait exception à cette règle par rapport à l'augmentation de la récompense. Il y a fait exception au jeûne, au siyam. D'accord ? Car ça, c'est une récompense qui incombe à Allah Azza wa Jalla lui seul. C'est lui-même qui va rétribuer la récompense du jeûne encore plus que ce que la mérite. يقول وفي حديث كالتنبيه على حكمة هذا التخصيص. Et ce hadith est venu comme une forme de mise en attention de la particularité qui était attribuée justement à cette adoration qui est le jeûne, le siyam. لماذا؟ لأن الصائم لما ترك محبوبات النفس التي طبعت على محبتها وتقديمها على غيرها وأنها من الأمور الضرورية فقدم الصائم عليها محبة ربه وتركها لله في حالة لا يطلع عليها إلا الله. Pourquoi? Car celui qui jeûne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a délaissé les choses qu'il aime, les choses même dont il a besoin, les choses qui attirent l'âme pour obtenir l'agrément d'Allah Azza wa Jal et son pardon en faisant un acte que nul ne peut voir si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Car le siyam, quelqu'un qui jeûne, c'est une chose qui ne se voit pas. D'accord ? C'est une chose qui ne se voit pas. C'est une chose qui ne se voit pas. Et de là, cela montre la force de sa sincérité dans ce qu'il fait. Il délaisse la boisson alors qu'il a soif. Il délaisse la nourriture alors qu'il a faim. Il délaisse les rapports conjugaux avec sa femme ou la femme avec son mari alors qu'ils en ont envie et qu'ils en ont le droit. Il délaisse bien des choses. Et cela pourquoi ? Pour obtenir cet agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de là, cet acte a été élevé. Et sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le serviteur, dans son siyam, comme le dit l'auteur, délaisse deux choses. يَدَعَ الْعَبْدُ فِيهِ شَيْئَيْنِ الْمُفَطِّرَةِ الْحِسِّيَّةِ مِنْ تُعَامُ وَالشَّرَابُ وَنِكَاحُ وَتَوَابِعِهَا وَالْمُنَقَّسَاتِ الْعَمَلِيَّةِ. Donc là, le jeûneur, il délaisse les choses qui sont, elles, on va dire, des choses concrètes, comme ce qu'on vient de citer, nourriture, boisson, rapports conjugaux, et tout ce qui pourrait amener à ces rapports également, il s'en prive. Ce n'est pas seulement il ne commet pas l'acte, mais il ferme toutes les portes et évite toute chose qui pourrait le mener à commettre l'acte. Alors qu'il en a envie. Et qu'à la base, ce n'est pas haram sur lui. C'est juste qu'il a pris un acte, un engagement auprès d'Allah Azawajal par ce siyam de ne pas le faire du lever du soleil jusqu'à son coucher. Ça, c'est la première chose qu'il a délaissée. Et deuxième chose qu'il va délaisser, ce sont les choses également qui réduisent de la valeur de son acte, qui réduisent de la valeur de son siyam. Et qui sont les mauvaises paroles, la provocation, les insultes, les colères inutiles, d'accord ? Et bien d'autres péchés, le mensonge, le riba, le namima, à la base, toutes ces choses sont interdites. Mais lors du siyam, elles le sont encore plus car elles font réduire de la valeur de ce siyam. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة que celui qui ne délaisse pas les paroles mensongères ou les actes mensongers, c'est-à-dire les actes de faux, les actes mauvais, Allah n'a nul besoin qu'il délaisse, c'est-à-dire en parlant de son serviteur qui jeûne, n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture ou sa boisson. Il n'y a pas d'intérêt. Tu délaisses ces choses-là, qui à la base sont permises, à dehors d'un jeûne obligatoire, bien sûr, comme pendant l'abandon, pour faire des choses qui sont interdites en toute situation, même quand tu ne jeûnes pas. Donc cela mène à quoi? C'est incohérent de la part du serviteur d'agir de la sorte. Si tu délaisses les choses qui te sont permises de base, alors à plus forte raison, tu vas délaisser les choses qui te sont interdites en toutes circonstances. Ou à Kazalik, il a montré parmi les comportements adoptés lors du CM, des choses qu'on oublie beaucoup. C'est comment réagir lors d'un conflit. Comment réagir lors d'un conflit? Wallahi, كلكم تلاحظون أن في أيام الصيام إذا قرب وقت غروب الشمس اشتد التعب مما يؤدي إلى سرعة الغضب وغير ذلك. Tous vous avez constaté que des jours où on jeûne, lorsque l'heure approche, plus la journée touche à sa fin, et plus on voit la fatigue apparaître, et cette fatigue emmène à baisser la garde et à être moins patient et à s'énerver plus vite. Regardez comment les gens sont stressés et nerveux en fin de journée quand ils jeûnent. Donc ça mène à se mettre en colère très vite, à se disputer très vite, voire aller plus loin. On voit des fois des gens pendant l'Ramadan qui se battent avant l'iftar, pour pas grand chose. Mais ils sont dans une situation tellement éprouvante qu'ils n'ont plus le contrôle d'eux-mêmes. Donc là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a appris comment nous comporter à ce moment-là. Et ça, c'est une chose que beaucoup omettent lors du siyam. C'est lorsque quelqu'un vient. Déjà, en premier lieu, toi, quand tu jeûnes, évite tout ce qui peut amener à une dispute par toi-même. Aucune parole outrancière, aucune provocation, aucune insulte. Tu restes calme et serein, autant que possible. Et si quelqu'un viendrait à te provoquer, à vouloir se battre avec toi, qu'il ait tort ou raison, فَتَقُلْ لَهُ إِنِّي صَائِمْ. Tu lui dis, je jeûne. Si jamais tu vas faire un muslim, tu vas voir qu'il va s'arrêter aussitôt. Il va être gêné. Si jamais il ne gêne pas lui et que toi tu jeûnes, il va te voir à ses yeux comme étant plus noble. Ça va le freiner. Et si jamais c'est un jour où il jeûne lui aussi et que toi tu jeûnes, il va se rappeler que lui aussi il jeûne. Donc ça va le freiner également. Donc il n'y a que du khayr à dire cela. Mais Shaitan nous fait oublier trop souvent. Fi hadha al-waqt, fi hadha al-hal, tayyib, fi hadha al-mawtin, أن يقال إني صائم. Dans cette situation-là, tu dis je jeûne et tu verras que tout va se tasser. Et en même temps, cela est une chose qui fasse partir Shaitan. إني صائم. Maintenant, si quelqu'un t'agresse au point il faut que tu te défends, c'est autre chose, d'accord? Tu tombes sur un kafir ou sur un fasik qui ne jeûne pas ou quelqu'un qui n'en a rien à faire et qui t'agresse physiquement, tu peux te défendre, bien évidemment. Mais la base, c'est tu dis إني صائم, je jeûne. Ça, c'est la première cause à faire. Ensuite, si jamais ça n'aboutit pas, que la personne persiste sur son mal, alors, id fa bilati ahsan, tu repousses comme tu peux autant que possible, en évitant d'aggraver la situation. Naam. Wa qawluhu as-sawm junna, que le siyam est une protection. Ay wiqayatun yattaqi biha al-'abdu adh-dhunub fi ad-dunya wa yatamarran bihi 'ala al-khayr, wiqayatun min al-'adhab. Car ce jeûne est une protection. Une protection de quoi? Par laquelle le serviteur se préserve des péchés en ce bas monde. Et cela est à prendre comme étant un entraînement sur le bien. Car le siyam te renforce, te rend plus fort. D'accord? Cela te renforce. Donc, c'est un renforcement également. Une protection et un renforcement pour toi. Et c'est pour cela, comme le dit l'auteur, que le siyam de Ramadan nous a été prescrit en guise, on l'avait pris dans un hadith auparavant, que ce siyam en fait c'était une rahma d'Allah Azza wa Jal pour nous rendre meilleurs. Comme a dit Ta'ala, Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous puissiez craindre. Donc ce siyam est une cause qui amène à obtenir la taqwa. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, as-sawm junnah, que le siyam est une protection. Protection qui te renforce physiquement et moralement et religieusement. Sur tous les aspects. Summaqal, sallallahu alayhi wa sallam, les sa'im farahatan. Ensuite, la partie du hadith vous dit qu'il y a deux moments de joie pour le sa'im. Sa'im, c'est celui qui jeûne. Taïeb. Première, ce moment, il rompt son jeûne. C'est un moment de joie pour lui. Car il est un moment qui était difficile. Il a soif. Il a faim. Il est fatigué. Et il voudrait pouvoir assouvir ses envies et ses besoins. Donc à ce moment-là, il éprouve de la joie. Regardez bien, lors de l'iftar, lors de siyam, c'est un moment de joie. On se soulage. Et en même temps, on espère qu'Allah Azzawajal accepte de nous. Et tu ressens une forme de fierté d'avoir jeûné. Normal, tu as fait un acte qui n'était pas simple. D'accord ? Ce n'était pas simple de faire cela. Et tu l'as fait pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc forcément, tu as de la joie. Et maintenant, comme on dit, c'est un peu comme disent l'expression, le repos du guerrier. Au moment où tu viens pour manger. Il faut faire attention, également au moment où on fait l'iftar, de ne pas tomber dans ce fikr de l'intikam. Dans le sens, comme j'ai été privé de nourriture toute la journée, ben maintenant je vais me venger, je vais tout rattraper. Non, justement. Mange dans la mesure du besoin. Ne dis pas ce que j'ai pas mangé, je vais la rattraper maintenant. Tu n'as rien à rattraper, car à la base tu n'as rien perdu. Tu n'as fait que gagner, par ce siyam. Kana fi ribhik, fi maslahatik, istafatta ant. Donc il n'y a pas lieu de rattraper ce que t'as manqué. Tu n'as rien manqué. Juste, tu combles ta faim. Car souvent, quand on fait les courses, quand on jeûne, on en prend toujours plus qu'il n'en faut. Comme on dit, on a les yeux plus gros que le ventre. Et au final, quand on se met à manger, le but n'est plus de manger, mais de finir ce qu'il y a devant nous. De tout manger. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On est rempli au point de devenir trop lourd, même pour aller, par exemple, pendant le Ramadan, faire Taraweh. Ou même aller faire le Maghreb ou autre. Et là, on gâche une partie de la récompense. Prends ce qui te suffit, fais ta salat, et après tu reviens, tu manges. À ta faim. Et en plus, quand on jeûne, l'estomac se rétrécit. En réalité, on a moins faim que si on avait mangé. On se remplit beaucoup plus vite. Donc, faut faire attention à ça. Au moment où on rompt le jeûne, de ne pas avoir les yeux trop gros. Plus gros que le ventre. Car là, on se mettrait à faire du mal. Et t'as des gens, pendant la montagne, ils font ça. Toute la journée, je jeûne, et toute la nuit, je mange. On dit, mawa kaza. En mangeant toute la nuit, tu vas te compliquer le jeûne dans la journée. Et tu vas perdre justement cette valeur qui est de cette faim, de cette chose qui t'amène à la taqwa, par l'épreuve de siyam. Et pire encore, ceux qui rompent leur jeûne par du haram, par une cigarette, ou par un joint, par un verre d'alcool, ou autre. Ça, c'est pire encore, car ils vont rompre leur jeûne par du haram. À se demander si ces gens-là, déjà de base, font salat. En général, ceux qui rompent leur jeûne par ce genre de choses, sont les gens qui font pas salat. Ou s'ils la font, ils la font mal. Ils la font pas à l'heure ou autre. Ils font un siyam, par coutume, comme ça. Mais ce n'est pas un siyam mortassib, comme cité dans le hadith. Sans quoi, vous les verrez réussir à arrêter de fumer. Réussir à arrêter de boire. Si le siyam avait vraiment un effet sur eux, et était fait concrètement et sincèrement pour Allah Azzawajal, vous en verrez les fruits sur eux. Combien de gens, justement, ont fait le siyam pendant le Ramadan et par la suite se sont améliorés? Et t'en as, ils font siyam des années durant, ils sont au même stade. Ils continuent à fumer, ils continuent à boire, ils continuent à mal se comporter. C'est que leur siyam, comme leur salat, c'est des choses qu'ils n'ont pas faites correctement. Sans quoi, tu les verrais s'améliorer, aller de l'avant. Et deuxième farha, deuxième moment de joie, c'est celle de la rencontre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une joie de venir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala avec des actes pieux, en espérant qu'il accepte de nous. Non. Taïeb. Donc ça, c'était ce premier hadith qu'on a pris sur le fond du siyam. Et le siyam, on encourage les frères et les sœurs à en faire de façon continue sur le gratoire. Et chacun à son niveau. On est pris de le hadith d'Abu Huraira où il dit « Awsani Khalil ibn Salaf » بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وين أطير كم أنام وين أصلي الدوحة ركعتين من الدوحة on avait pris le hadith auparavant dans les 12 précédents où Abu Huraira il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'avait exhorté à trois choses à ne jamais délaisser autant que possible. Il a dit jeûner trois fois par jour au minimum, de faire le witr avant de dormir et de faire au moins deux rakats du Doha. Donc le minimum, jeûner 3 fois par mois. Minimum, c'est rien 3 fois par mois. Et justement, celui qui fait 3 fois par mois, si sa récompense revient à 10, cela reviendrait comme s'il avait jeûné le mois entier. Chaque jour équivaut à 10 jours. 10 jours fois 3, ça fait 30 jours, ça fait un mois entier. Subhanallah. Décuplé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et en même temps, les gens qui jeûnent, qui sont habitués au siyam dans l'année surrogatoire, lorsque Ramadan vient, ils sont prêts. C'est facile pour eux. Le siyam de Ramadan est facile, car ils sont habitués à jeûner. Mais ceux qui ne jeûnent jamais, le jour où Ramadan y vient, tu les vois les premiers jours, ils ont beaucoup de mal. C'est très très difficile. Après, alhamdoulilah, ils finissent par s'habituer. Mais au début, c'est très difficile pour eux. Alors que celui qui jeûne, comme on l'a dit tout à l'heure, il est entraîné, il est habitué. Donc lorsque Ramadan vient, il est prêt. Il n'y a pas de machaque pour lui. Non. Et d'ailleurs, jeûner pendant Ramadan est plus facile que de jeûner en dehors de Ramadan. Il y a plus de baraka. Un jeûne obligatoire pendant Ramadan, regardez bien, le jour de Ramadan, le siyam passe beaucoup plus facilement que les jours en dehors de Ramadan. Donc celui qui est habitué à ça, c'est un entraînement, il est plus dur dans l'année. Le jour de, comment on dira, du fait accompli, ça le sera plus facile. Bismillah ta'ala. Taïb. Thumma qala al-hadith al-sadis wa thalathin. 36e hadith. عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لعذنه وما ترددت عن شيء أنا فعله ترددي عن قبض نفس المؤمن يكره الموت ويكره مساءته ولابد له منه رواه مسلم أو البخاري عفوا سورة أبو هريرة رضي الله عنه كل نبي صلى الله عليه وسلم الذي dans un hadith kursi que Allah il a dit que celui qui s'en prend à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et que mon serviteur ne s'est pas rapproché de moi par une chose plus aimée que parce que je lui ai rendu obligatoire. Et que mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les choses surrogatoires, jusqu'à ce que je l'aime. Et si je l'aime, je serai alors son ouïe par laquelle il entend, et sa vue par laquelle il voit, et sa main par laquelle il saisit, et sa jambe par laquelle il marche. Et que si jamais il demandait, certes je lui donnerai. Et s'il cherchait refuge auprès de moi, je l'abriterai alors. Et je n'ai hésité de faire une chose comme je n'ai hésité de prendre l'âme de mon serviteur. C'est-à-dire le fait de le faire mourir. Et que mon serviteur déteste la mort et moi je déteste lui faire du mal. Cependant, c'est une chose qui est inévitable. Que la mort est une chose qui est inévitable. Rapporté par le Bukhari. Donc ce hadith qui est hadith également qui est grandiose, hadith Qudsi, qui est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, dans laquelle il montre le mérite de ses awliyaïs, de ses rapprochés. فَأَخْبَرَ أَنَّ مُعَالَةَ أَوْلِيَائِهِمْ مُعَالَةَ لَهُ وَمُحَرَبَةَ لَهُ. Dans ce hadith, Allah Azza wa Jalla déclare que s'en prendre à ses awliyaïs revient s'en prendre à lui. وَمَنْ كَانَ مُتَصَدِّيًا لِعَدَوَةِ الْرَبِّ وَمُحَرَبَةِ مَالِكِ الْمُلُكِ فَهُوَ مَخْذُولٌ وَمَنْ تَكَفَّلَ اللَّهُ بِذَبِّ عَنْهُ فَهُوَ مَنْصُورٌ. Que celui qui ose vouloir affronter Allah Azawajal, le roi des rois, c'est une personne qui est marzoul. Marzoul, c'est une personne qui n'a pas de tawfir, qui a été abandonnée à elle-même. Et que celui dont Allah se charge de le défendre, alors il sera secouru. وَهَذَا لِكَمَالِ مُوَافَقَتْ أَوْلِيَا إِلَّيْ أَلَّهُ فِي مَحَبَّتِهِ أحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. Et cela montre la perfection justement de l'alliance qu'il y a entre Allah et son serviteur lorsque celui-ci l'aime, parce que Allah aime son serviteur et que Allah lui suffira, d'accord, et au-delà de lui toute chose qui le préoccupe, lui accordera une issue aux choses qui le préoccupent. Ensuite, dans ce hadith, ذكر صفات الأولياء الصفات الكاملة dans ce hadith, Allah Azza wa Jal cite quels sont les attributs de ses rapprochés, justement ces attributs complets. أن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا. Que en premier lieu, ce sont ceux qui accomplissent les actes obligatoires. Tu ne pourras avoir une personne qui soit un wali sans qu'il ne fasse les actes obligatoires en premier lieu. من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد والقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. Comme chose obligatoire, comme la salat, comme le siyam, comme la zakat, comme le hajj, comme l'ordonnance du convenable et l'interdiction, la prohibition du blâmable, et le jihad, et le fait de rendre à droit à Allah ses droits, et ainsi qu'à ceux de ses serviteurs. Ce sont ceux-là les awliyah, qui commencent par les obligations. طيب. Et de là nous apparaît justement que les actes préférés par Allah Azzawajal sont les actes obligatoires. Et beaucoup de gens sont inattentifs à cette particularité. Tu vas les voir fournir des efforts dans les choses de vertu, de mérite, et tu vas les voir négligents dans les obligations. Tu vas les voir faire des aumônes, vouloir nourrir des gens, vouloir aider à faire des puits, vouloir aider l'orphelin, vouloir aider les veuves, et aider les gens dans le besoin, vouloir faire plein de choses qui sont bonnes à la base. Et à côté de cela, les choses qui leur sont obligatoires à eux, ils ne le font pas. La salat, ils ne les font pas à l'heure. Tu les vois s'habiller de façon indécente. Tu les vois, mathalène, travailler dans le haram. Tu les vois faire des choses interdites. Tu les vois les hommes qui se rasent, font traîner leurs pantalons, s'habillent comme les koufars. Ou tu les vois, mathalène, faire des actes interdits. Et qui sont faciles à faire. Et à côté de cela, tu les vois, dans les choses obligatoires, se battre. Je me rappelle une histoire que souvent que je raconte, que j'avais vécu à mon époque, à mon début d'islam, à mon travail. J'avais un collègue, un musulman. D'accord? Toutes ces salats, il les rattrapait le soir. Il les faisait pas à l'heure. Pourquoi? Pour le travail, d'après lui. D'accord? Les salats, il les faisait pas à l'heure. Et bien sûr, en apparence, on ne m'a pas demandé à quoi ressembler. Il ne ressemblait pas du tout à Sunna, zéro. Des pieds à la tête. Voilà, ça n'aurait pas été un maghrébin. Tu n'aurais jamais dit que c'est un musulman. Mais c'est un musulman. D'accord? C'est un musulman. Et cet homme-là, un jour, je viens pour un masjid, pour faire talawih, pendant Ramadan. Et j'arrive, je le vois, il est au premier rang. Assis, entre la tente. Donc je vais le voir, je vais le saluer. Et comment il va? J'étais surpris de le voir là. Et là, je sais plus si c'est lui qui me l'a dit ou des gens qui me le disent. Il dit, tu le connais un tel? Je fais oui. Il me dit, ah, Foulen, mashallah, tous les soirs, le tarawih, il est là au premier rang et tout. Je fais, ah, il y a late, il y a shtahid, fil wajibat, comme shtahid, fil nawafil. Pauvre de lui qui ne soit studieux et assidu et sérieux dans les choses obligatoires comme il l'est pendant les nawafil. Tarawih, c'est pas obligatoire. Et le premier rang non plus n'est pas obligatoire. On parle d'autres choses qu'il va délaisser dans la journée. Ça, c'est un exemple que je donne. Et t'en as plein des comme ça. Tu verras des sœurs qui vont te dire, moi, alhamdoulilah, je suis pudique, je ne parle pas aux hommes, ainsi de suite, elle n'est pas voilée. On dit, bah, voile-toi, ton voile, il est obligatoire. C'est bien de faire ce que tu fais à côté, on ne dit pas, tu laisses ce que tu fais à côté. Parce que les gens, on dirait, lorsqu'on dit voile-toi, à côté, soit une perverse. Abadan, continue ta pudeur que tu as, bien que ta pudeur, elle est manquante, elle est réduite. Si tu n'es pas voilée, ta pudeur, elle est à revoir. Continue de ne pas parler aux hommes, ne te mélange pas aux hommes, leur ça parle à la main, ce genre de choses, mais mets ton hijab. En plus, car ton hijab, c'est une chose qui est obligatoire, encore plus que le reste. Ne pas se reposer sur soi-même en disant je fais des actes à côté qui sont bien, donc le reste, tu peux m'en passer. Les obligations, tu veux plaire à Allah Azzawajal, commence par faire ce que Allah Azzawajal t'a imposé, en premier lieu. D'accord? Commence par les choses qui t'ont été imposés. Ce sont ceux-là les actes préférés au poids d'Allah. Non. ثم قال فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل. عفوا. قال ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة وتكمل الفرائض وتكمل ثوابها. Ensuite, ces awliyas qui ont commencé par les choses obligatoires, ils s'adonnent également aux actes surrogatoires, en but de se rapprocher d'Allah, car les actes obligatoires, tu n'as pas de garantie qu'ils sont acceptés. Donc qu'est-ce que tu fais? Toi, tu multiplies, on va dire le terme chance entre guillemets, c'était pas la chance au sens du hasard, comme vous le savez, le mot chance là, tu multiplies les opportunités et les causes que tes actes obligatoires soient acceptés par Allah Azzawajal. Car comme on le sait, au Al-Qiyama, les actes qui seront manquants, qui ne seront pas complets, seront comblés par les actes surrogatoires, comme la salat ou autre. Allah Azzawajal va combler les manquements par les actes surrogatoires. Donc plus tu vas t'en auras ton actif, et plus tu auras d'espoir de voir tes œuvres acceptées et valides. D'accord ? Plus tu auras d'espoir de voir tes œuvres acceptées et valides. Et quoi qu'il en soit, tu n'es pas non plus à l'abri de commettre un jour un acte à ton insu qui fasse que tes actes soient annulés. Donc tu auras quoi pour compenser si tu ne fais pas d'actes surrogatoires ? Tu n'auras rien. Ces actes surrogatoires, prends-les à la manière de protection de tes actes surrogatoires. Si jamais tu n'as pas de protection, le jour où tu auras une faiblesse, ce sont tes actes obligatoires qui vont prendre. Alors que si jamais tu fais des actes surrogatoires, le jour où tu auras une faiblesse, tu délaisseras peut-être certains actes surrogatoires, donc ce n'est pas haram sur toi, et tes actes obligatoires seront préservés, ton capital sera préservé à ce moment-là. Taïeb, à bien comprendre. Non. Donc c'est Aouliya d'Allah Azzawajal, commence, font les choses en l'ordre, et commence par les choses obligatoires, et également, multiplie les choses surrogatoires d'eux-mêmes. Pour en faire plus, pour en avoir plus, et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pour espérer la récompense qui s'ensuit. Car le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous explique que celui qui se rapproche d'Allah par les nawafil, que Allah va finir par l'aimer. À tel point qu'il sera muwafaq, il aura le tawfiq. Le tawfiq, c'est que Allah azawajal lui accordera justement d'avoir des actes en conformité avec sa volonté législative. C'est-à-dire que Allah va lui accorder le fait de faire ce qu'il aime. Le serviteur sera soutenu et sera il sera accordé la facilité d'agir ce que Allah Azza wa Jalla aime. Tout ça, c'est tout en son honneur. Taïeb, c'est ça une personne qui est muwafaq. Elle a obtenu la réussite. La réussite dans quoi? Parce que Allah Azza wa Jalla, il aime. Il a dit, kuntus hatta uhibba, c'est-à-dire qu'Allah, il va l'aimer. Et c'est le hadith nous démontre que al-mahabba, l'amour est parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah, il aime. D'accord? Allah Azza wa Jalla, il aime. Il y a des gens qui l'aiment, des gens qui n'aiment pas. Ils n'aiment pas tout le monde. Et même les gens qui l'aiment, l'amour diffère. Certaines personnes sont plus aimées que d'autres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus la foi, elle est haute, et plus le serviteur sera aimé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus il sera aimé, plus il sera muwafaq, plus il sera musaddad. Il aura des actes justes, des paroles justes, comme dans ce hadith qu'il dit, kuntu sama'ahu allazi yasma'u bihi. Je serai son ouïe par laquelle il l'entend. C'est-à-dire que ton oreille, tes membres, tu n'entendras que des bonnes choses. Allah te fera en sorte de n'avoir entendu que des bonnes choses, que des bonnes paroles, que des bons conseils, que des bons doulous, de prendre que des bons savants, des bons prédicateurs, d'avoir des bonnes fréquentations. D'accord? De ne pas écouter des choses interdites, des paroles futiles, des paroles mauvaises et nuisibles. Ton oreille ne sera à l'écoute que du bien, de ce qui te profitera. Je serai sa vue par laquelle il voit. Avec tes yeux ne se tourneront pas vers ce qui est haram, mais vers ce qui est profitable. À lire dans le Coran, à lire dans les kutub de ilm, à regarder les bonnes choses, même dans la dunya, les choses qui vont te profiter, ainsi de suite. De regarder ce qui t'est permis et de baisser le regard face à ce qui t'est interdit, et ainsi de suite. Avec ta vue, tes yeux seront sur le service d'Allah, au service d'Allah subhanahu wa ta'ala. De regarder que ce qui t'est profitable. Et kazalik, avec ta main, tu ne saisiras que les bonnes choses, écrire que des bonnes paroles, faire des actes dans le halal, le travail, un travail qui sera mubarak, et ainsi de suite. Avec ta main, tu ne feras que du bien. Et avec tes jambes, tu te dirigeras que vers le lieu de bien. Tu seras moussaddad, tu seras muwafaq. Cela par quelle cause? Par la cause que tu auras commencé par faire les actes obligatoires, puis les surrogatoires. Ce hadith, également Allah Azzawajal nous informe que celui qui agit de la sorte, qui fait les fara'id et les nawafil, que Allah Azzawajal lui donnera ce qu'il lui demande. فَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ إِسْتِجَابَةِ الدُّعَى. seul est parmi les causes pour voir ses invocations exaucées. De faire les actes obligatoires et les surrogatoires. Tout comme cela est parmi les causes de protection. Celui qui cherche refuge auprès d'Allah Azzawajal, ses actes seront une cause de protection pour lui. Et ce hadith, on pourra en dire beaucoup encore. Tout comme à la fin du hadith, Allah Azzawajal dit qu'il n'aime pas saisir l'âme de son serviteur, car son serviteur déteste la mort. Pourtant, cette mort est une chose qui est inévitable. Comme a dit Ta'ala, « Kullu nafsin dha'iqatul maut »« Kullu nafsin dha'iqatul maut » »« La boud minhu » C'est une chose qu'Allah Azzawajal a décrété « Min iradatihi al-kawniya wa shal'iyya » Non. Donc de là, s'achève ce ders. « Naktafi biyad al-qadr »« Fa subhanaka wa bihamdik » لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك